140 personnes, dont 137 enfants et 206 lamas mis à mort au cours d'un sacrifice unique, incroyablement brutal selon la technique de la chila, qui consiste à arracher le cœur de la cage thoracique. C'est l'histoire bucolique et archéologique du peuple Chimus que nous allons vous raconter. Enfin, une méthode fiable pour faciliter le diagnostic de la schizophrénie via l'analyse du langage, une étude psychiatrique et linguistique est en cours. Et enfin, le paradoxe de Wigner est-il en passe d'être résolu grâce à un nouveau dispositif expérimental quantique? Sortez votre carnet de notes, il y aura un terreau à la fin de l'émission. Sacrifice d'enfants, dépistage de la schizophrénie et paradoxe de Wigner, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme et commenter l'actualité scientifique de la semaine, la fine fleur de la presse et de la médiation scientifique a été une fois de plus réunie autour de cette auguste table. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, nous sommes en ligne avec Marion Sabourdi. Bonjour Marion. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chargé des nouveaux médias à la CASMAT, le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Grenoble. Et pour la quasi première fois devant ce micro, pas tout à fait mais presque en tout cas pour la première fois pour un vendredi, nous sommes contents, que dis-je, nous sommes ravis d'accueillir notre camarade Mathieu Lefrançois. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et je suis ravi d'être là également. Bien sûr, longtemps contributeur de l'ombre aujourd'hui sous le feu des projecteurs et chef de rubrique physique et astrophysique pour Science et Vie Junior. Mais pour commencer, celle qui serait bien incapable de mettre à mort le moindre lama, tellement elle en a peur, et croyez-moi sur parole, j'en ai des preuves. On fait le tour de l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature et la découverte d'un mécanisme d'activation des gènes. Et on ne comprend pas encore très bien quelles sont les séquences d'ADN qui dirigent l'activation des gènes. Les gènes qui codent notre matériel génétique sont transcrits en molécules d'ARN pour être ensuite traduits en protéines. On sait que un quart de nos gènes possède une boîte Tata, une zone située sur une portion du gène qui en dicte la transcription et la traduction. Mais qu'en est-il des gènes sans Tata Box? On soupçonnait l'existence d'une zone DPR sur un gène, le Downstream Promoter Region, la région promotrice du noyau en aval. Cette équipe californienne a cherché à débusquer cette zone. Avec une approche de machine learning, d'apprentissage machine, ils ont créé une immense bibliothèque d'ADN de 200 000 séquences. Leur modèle a ainsi prouvé que la présence du DPR est très fréquente dans l'ADN, autant que les boîtes Tata. Les applications biotechnologiques et biomédicales sont nombreuses. Ingrid Lafontaine est enseignante-chercheuse à la Sorbonne Université en bioinformatique. Elle s'intéresse à l'évolution des génomes. La fameuse boîte Tata, elle se trouve, donc la transcription des gènes, elle démarre à un site qu'on appelle le site initiateur de la transcription. Et la boîte Tata, elle est avant, elle est codée dans la molécule d'ADN avant ce site initiateur de la transcription. Donc c'est un promoteur en amont du site d'initiation de la transcription, la fameuse Tata Box. Et comme il est rappelé dans l'article, tous les gènes humains ne possèdent pas cette fameuse boîte Tata. Il n'est pas possible d'identifier toutes les séquences promotrices humaines avec en recherchant uniquement la boîte Tata. Il y a d'autres éléments qui sont caractéristiques des séquences promotrices, et celles qui ont été étudiées dans cette étude qui est parue dans Nature se trouvent en fait au-delà de la boîte du site d'initiation de la transcription. L'importance de cette étude, c'est que en générant des milliers de séquences artificielles, ils ont pu très finement décrypter les propriétés de séquences requises pour obtenir une activité. Cette étude permet de décrire beaucoup plus précisément les propriétés de ces séquences DPR. Ce modèle permet d'estimer l'efficacité d'initiation de la transcription de ces régions DPR. Et si on a des mutations, donc qui peuvent avoir un impact dans certaines maladies, effectivement, ce modèle peut essayer de prédire, de modéliser l'impact de la mutation, donc de la maladie, sur l'expression du gène. Donc oui, effectivement, ça fournit des outils qui permettent de mieux caractériser l'effet d'une mutation, donc qui peut être impliquée dans une maladie. En bref, selon une étude qui a été publiée aujourd'hui dans la revue Science, la transcription génétique est différente selon les sexes. Est-ce que l'héritage des chromosomes sexuels XX ou XY influence ou non le transcriptome humain? C'est la question posée par cette équipe internationale avec cette vaste étude menée pendant 10 ans. Sur plus de 800 personnes, les chercheurs ont mesuré les niveaux d'activation des gènes humains sur 44 types de tissus différents. Peau, cerveau, muscles, tissus mammaires. En tout, ils ont analysé plus de 16 000 échantillons de séquençage d'ARN. Résultat, on observe une légère différence induite par le sexe biologique. 38% des gènes sont activés différemment entre les hommes et les femmes. Cette variable biologique peut avoir des implications thérapeutiques. Peut-être faudrait-il se tourner vers une médecine encore plus personnalisée. Deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine, une étude parue dans Monthly Notice of the Royal Astronomical Society pose une question: comment différencier la photo d'un trou noir de celle d'une étoile à boson, une étoile bosonique? Une étoile bosonique a beaucoup de points communs avec un trou noir. C'est un objet théorique étrange que nous n'avons jamais repéré. Là où les étoiles sont principalement constituées de fermions, les particules élémentaires de notre univers, protons, neutrons, électrons, les étoiles bosoniques, elles, seraient entièrement constituées de bosons. Elles seraient extrêmement massives, elles n'émettraient pas de rayonnement et seraient donc par conséquent invisibles. De plus, certaines étoiles à bosons pourraient être entourées d'un anneau rotatif de plasma qui ressemblerait au fameux disque d'accrétion des trous noirs. Les chercheurs du consortium de l'EHT, l'Event Horizon Telescope, ceux à qui l'on doit la première image du trou noir M87 étoile l'an dernier, ces chercheurs se sont demandé comment être bien sûr que cette image est bien celle d'un trou noir. Frédéric Vincent est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Lesia de l'Observatoire de Paris. Il travaille sur l'environnement des objets compacts. L'article auquel on s'intéresse calcule des images théoriques d'une image de l'environnement d'un trou noir et de l'image de l'environnement d'un autre objet compact qui s'appelle une étoile bosonique. Et donc cet objet-là, il est très très différent d'un trou noir quand on le regarde de près. L'étoile bosonique n'a pas d'horizon des événements. Donc c'est très naturel de le considérer et de regarder à quoi ressemble l'image d'une étoile bosonique et de la comparer avec l'image d'un trou noir. Parce que par exemple, si on imagine qu'on n'avait aucune différence entre l'image des abords d'un trou noir et l'image des abords d'une étoile bosonique, ben on serait vraiment très mal barré pour arriver à dire quoi que ce soit sur la nature des objets au centre de la galaxie Messier 87 ou de la Voie lactée ou de quoi que ce soit d'autre. Donc l'objectif de l'article, c'est de réaliser des simulations du devenir de la matière. Donc vous mettez des électrons, des protons, voilà, de la matière, ce qu'on appelle un plasma, de la matière très chaude. Vous saupoudrez un petit peu les abords de votre étoile bosonique et vous laissez tout ça évoluer. Vous faites la même chose avec un trou noir et vous regardez les différences. Et la deuxième étape du travail, c'est de calculer l'image qui serait observée par l'Event Horizon Telescope de cet objet-là. Donc là, vous calculez comment est-ce que la lumière émise par cette matière se propage depuis l'environnement du trou noir ou de l'étoile bosonique jusqu'au télescope. Et le résultat qui est mis en avant, c'est de dire, oui, on voit une différence notable entre une image de trou noir et une image d'étoile bosonique. La différence est la suivante, c'est que l'image obtenue est plus petite, elle est plus concentrée lorsqu'on considère une étoile bosonique et elle est plus grande, plus étendue lorsqu'on considère un trou noir. Donc ça, c'est très intéressant si c'est vrai, parce que ça veut dire que on peut regarder sur l'image de l'EHT, de l'Event Horizon Telescope, la taille de l'image effectivement observée, et on peut voir est-ce que ça correspond à ce que prédit un trou noir ou est-ce que ça correspond à ce que prédit une étoile bosonique. En bref, dans Scientific Reports, cette fois, des chercheurs ont séquencé l'ADN mitochondrial de l'homme de Néandertal européen, vieux de 80 000 ans. Et c'est le séquençage d'ADN le plus ancien d'Europe. Il a été réalisé par une équipe internationale à partir d'une molaire de Néandertalien, découverte sur le sol de la grotte de Stajnia, en Pologne. Les résultats révèlent des affinités génétiques entre la Pologne et le Caucase du Nord. Le génome mitochondrial de la dent est plus proche d'un spécimen néandertalien du Caucase que des Néandertaliens contemporains d'Europe occidentale. De plus, les outils en pierre trouvés sur le site sont également proches de ceux que l'on trouve dans les régions du Sud. Nos ancêtres étaient tous des migrants, en voici encore une preuve. Et cette semaine dans le Journal des Sciences, il a été question de stratégie de dépistage du Covid et des laboratoires sous haute tension, du rapport sur le vivant du WWF et de l'extinction d'espèces animales, de la découverte d'un mécanisme moléculaire qui expliquerait certains certains cas graves de Covid et de Françoise Combe qui a obtenu et gagné à juste titre la médaille d'or du CNRS, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Une étude dans la revue Nature vient de percer le mystère de l'origine du courant de Magellan. Ce flux stellaire qui s'enroule autour de notre Voie lactée, en deux filaments de gaz, suit la trajectoire de nos petites galaxies voisines, les nuages de Magellan. Mais voilà 50 ans que ce courant est un casse-tête pour les astronomes. Sa masse déroute. Selon cette étude, ce flux viendrait des halos galactiques des nuages de Magellan, la couronne de Magellan. Il aurait ensuite été façonné par les forces de marée de notre galaxie pendant environ 5,7 milliards d'années. On le sait, le stress peut entraîner des insomnies et provoquer une immunosuppression quand le système immunitaire s'affaiblit. Des chercheurs américains viennent d'en identifier le circuit cérébral. Il s'agit de la même voie neuronale qui lie insomnie, stress et immunité affaiblie. Cette zone de l'hypothalamus latéral serait un interrupteur assez sensible. Et enfin, les goélands prêtent bien attention au regard des humains. Des chercheurs ont montré que ces oiseaux marins fuient plus rapidement lorsqu'ils sont observés. Lors d'une expérience sur une centaine d'oiseaux, les scientifiques s'approchaient des mouettes, soit en les regardant directement, soit en regardant ailleurs. Les chercheurs pouvaient se rapprocher beaucoup plus près lorsqu'ils ne regardaient pas les yeux dans les yeux les oiseaux. De plus, même les très jeunes goélands se méfient du regard des humains. Malheureusement, l'étude n'a pas été faite avec des frites, ce qui peut changer le rapport de la mouette au regard. Bref, allez, on termine comme tous les vendredis par la rubrique des sciences improbables. Et aujourd'hui, Natacha, selon une étude parue dans le Journal of Psychoactive Drugs, qui était donc un journal que je ne connaissais pas, les trips sous LSD sont proches d'authentiques expériences mystiques. Et c'est un papier qui explore les liens entre le psychédélique et le spirituel. Ces chercheurs finlandais ont interrogé 288 personnes sur leur expérience sous LSD avec le questionnaire du MEQ-30, le questionnaire sur l'expérience mystique en 30 questions. Alors même lorsqu'ils sont pris pour la première fois, les psychédéliques peuvent provoquer des expériences puissantes proches de celles expérimentées par les mystiques. Certains consommateurs décrivent même des changements de vie positifs. Satisfaction de vivre, bien-être, conscience accrue d'un monde intérieur ou encore impression de transcender le temps et l'espace. C'est des témoignages qui sont similaires à ceux des croyants. Et surtout, l'étude montre que cette expérience psychédélique s'est montrée positive sur le long terme. Si vous voulez découvrir ce Journal of Psychoactive Drugs, nous avons mis un lien vers cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci Natacha, peut-être des réactions à ce journal des sciences, à l'actualité scientifique récente, Cécile. Eh bien justement sur les drogues psychédéliques, voilà, parce qu'effectivement depuis quelques années les chercheurs s'intéressent à nouveau aux drogues psychédéliques pour essayer de voir leurs effets thérapeutiques. Et il y en aurait. Alors attention, je ne suis pas en train de dire aux auditeurs qu'il faut aller vite consommer quelques petits champignons tout seul dans leur cuisine. Ça rentre toujours dans des protocoles très encadrés avec des psychologues et tout ça. Mais effectivement, les drogues psychédéliques joueraient sur les connexions de différents réseaux cérébraux, sur la plasticité cérébrale. Et ça permettrait un peu comme réinitialiser le réseau par défaut. Vous savez, le réseau par défaut, c'est l'état de votre cerveau lorsque vous faites rien de spécial, voilà, que vous laissez vagabonder vos pensées. Sur le wifi, ça s'appelle la sortie d'usine. C'est ça. Voilà. C'est les paramètres de sortie d'usine. Exactement. Or, dans le stress, l'anxiété, la dépression, tout ce type de trouble-là, vous savez, on rumine facilement, on a les idées noires, on n'arrête pas de repenser à la même chose. Et voilà. Et ce type de drogue pourrait peut-être aider à remettre le système de réseau par défaut dans un ordre plus agréable. Et ben, pour les auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus, je renvoie au site frère de celui de Pour la Science, le site du magazine Cerveau et Psycho, qui avait fait tout un gros dossier récemment sur le sujet. Et on va vous mettre également le lien vers l'émission que nous y avions consacrée, effectivement. Et on avait parlé justement du fait que ces molécules-là avaient été bannies pendant longtemps pour des raisons politiques, pour des raisons de contrôle justement des stupéfiants, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, des chercheurs ont accès à ces psilocybines qui sont dérivées donc des molécules. Oui, il n'y a pas beaucoup de recherches parce que ce n'est pas si facile d'y avoir accès, justement, mais c'est une voie intéressante. Marion, peut-être une réaction à l'actualité scientifique de la semaine sur le sujet qui vous inspire ? Oui, tout à fait. La brève, notamment sur le séquençage du génome mitochondrial de l'homme de Néandertal. Bon, après, ma réaction, c'est assez attendu. Hein. C'est, ça va dans le sens de la réhabilitation de Néandertal qui a lieu déjà depuis un moment. Hein. On peut voir ces humains comme, on va dire, comme des migrants, comme disait Natacha, qui sont adaptés à leur environnement et pas des gros balours qui se sont échoués en Espagne comme l'image ancienne circuler hein, d'un groupe humain qui aurait échoué, qui aurait traversé toute l'Europe et qui se serait échoué en Espagne comme une espèce d'impasse évolutive. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment une migration, une adaptation à l'environnement et que c'est bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Mathieu, aussi un mot, quelque chose qui vous inspire ? Peut-être un mot sur justement la différence entre trou noir et étoile à boson, parce que moi, mon sentiment là-dessus, c'est que les trous noirs, voilà, ça a été un mystère pendant tant d'années. J'ai un peu l'impression qu'avec les étoiles à boson, on essaye de se recréer un petit mystère cosmique. Un petit frisson d'incompréhension. Frisson d'inconnu. Ça reste très théorique, mais bon. C'est vrai que c'est assez surprenant. On va se pencher là-dessus parce que c'est assez. On discutait là pendant le reportage avec Mathieu de se dire mais comment est-ce que ça peut fonctionner une étoile à boson, quand même très curieux parce que les bosons se comportent évidemment pas du tout comme les fermions et ça demande effectivement peut-être un peu plus d'attention ou de curiosité, on y reviendra certainement. Un mot peut-être aussi, Cécile, sur cette histoire de transcriptome et de voir que les gènes entre les hommes et les femmes, finalement, ne sont pas transcrits de la même façon. Ça relance quand même aussi toute cette question des tests pharmaceutiques, des essais cliniques. Enfin, on se rend compte tout de même qu'il y a plein de petites différences qui font que, eh bien, voilà, il faut peut-être prendre plus d'attention à la diversité des sujets qui sont dans ces Absolument. Études. De toute façon, c'est la voie de la médecine personnalisée, comme disait Natacha. Et la différence entre sexes, on le sait depuis longtemps, notamment parce que la plupart des médicaments ne sont essayés que sur des hommes. Donc effectivement, il y a toujours un biais, que ça soit sur les effets secondaires, sur les doses nécessaires. Et donc, avec ce genre de recherche, comme d'habitude, on apprend de plus en plus sur le fonctionnement de notre génome. Et on apprend qu'il faut bien regarder les mouettes dans les yeux, surtout si on a un cornet de frites dans la main. Merci Natacha, on se retrouve la semaine prochaine. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Ben oui, c'est difficile d'éviter, hein, Cécile. C'est évidemment difficile de contourner Indiana Jones parce que quand j'ai lu le papier sur lequel vous vouliez évoquer cette semaine, je me suis évidemment retrouvé plongé dans l'obscurité d'une salle de cinéma, c'est dans le quartier latin avec mon papa, j'étais pas très grand, en train de regarder Molaram, en train de plonger la main dans le cœur de ses victimes. C'était bien sûr dans Indiana Jones et le temple maudit. Mais une fois dépassé ma passion pour ce film, qui d'ailleurs je trouve assez sous-estimé dans la trilogie, puisqu'on ne parle évidemment pas du quatrième épisode par décence, l'enquête archéologique qui est publiée dans le numéro de septembre de Pour la Science nous raconte une histoire qui pourrait faire pâlir de jalousie les scénaristes d'Indiana Jones. Absolument, peut-être d'ailleurs, ça donnera lieu à un autre film. Voilà, oui, dans ce numéro de septembre de Pour la Science, on publie un papier de Nicolas Gopfert, qui est un chercheur du CNRS, qui est le directeur adjoint du laboratoire archéologie des Amériques, et qui nous raconte effectivement toutes les premiers résultats des recherches, des fouilles d'un site archéologique qui s'appelle Huanchaquito Las Llamas. Je m'excuse auprès des auditeurs hispanophones. Oui, Huanchaquito Las Llamas. Voilà. Très bien. La prononciation n'est pas probablement la bonne. Si, c'était voilà. Tout à fait ça. Las Llamas qui signifie les lamas, puisque le lama est féminin en espagnol. Absolument, et qui est le site sur lequel on a retrouvé les traces, les vestiges du plus grand sacrifice d'enfants qu'on ait jamais retrouvé. Alors, de quoi s'agit-il ? Parce que de quelle civilisation peut-être parle-t-on ? Moi, j'imaginais au début que c'était une civilisation très très ancienne. En fait, c'est une civilisation relativement récente dans l'histoire des civilisations précolombiennes. Donc, c'est une civilisation précolombienne qui a duré à peu près entre le tout début du Xe siècle de notre ère jusque vers 1470, quand ils ont été battus par les Incas. Et donc, c'est une civilisation qui occupait un territoire qui fait tout le nord, toute la côte nord du Pérou, à peu près de Lima jusqu'au sud de l'Équateur. Voilà. C'est un territoire pas très facile, des montagnes, une bande côtière désertique, traversée quand même par des vallées oasis à peu près tous les 50 kilomètres, mais bon, c'est quand même pas un lieu très facile à vivre. Et malgré ça, les Chimaux ont ont développé une civilisation très sophistiquée avec un artisanat, des savoir-faire d'ingénieurs. Notamment, ils avaient un réseau hydraulique absolument incroyable avec des canaux qui faisaient plusieurs kilomètres de long, qui leur permettaient d'irriguer des champs sur la bande côtière parfaitement pour pouvoir cultiver des tas, le maïs, les courges. Voilà. Et ils élevaient beaucoup de lamas et d'alpacas. J'ai eu peur de beaucoup de lamas et d'enfants. Non, alors il faisait des enfants une autre chose. On va pas mélanger les choses. C'est une civilisation dont on a eu des traces assez tardivement parce qu'il n'y avait pas d'écriture, donc il y a finalement assez peu de registres. Exactement, il y en a pas. On savait qu'elles existaient parce qu'il y avait des traces dans les écrits, dans les chroniques des Espagnols qui sont arrivés après, des gens de cette région un peu plus tardif. Mais effectivement, il n'y a pas de traces écrites, mais on sait quand même pas mal de choses parce qu'on a retrouvé beaucoup de vestiges, notamment de leur capitale, Chan Chan, qui est assez belle. Et on avait découvert dans les années 70 un site, le site de Pampa La Cruz, voilà, où on avait déjà retrouvé des squelettes d'enfants et de lamas, à peu près 227 individus et 400 camélidés. Voilà, et il semble qu'il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices sur ce site-là, un site qui a servi de site sacrificiel pendant des siècles, très probablement. Ça n'a pas fait d'un seul coup. Oui, on trouve plusieurs strates en fait, voilà. de restes humains et animaux. Exactement. Et puis, en 2011, je crois, on a découvert le site de Huanchaquito Las Llamas, dont je parlais tout à l'heure, qui a été donc fouillé depuis, et sur lequel on a retrouvé les squelettes de 140 individus, dont 137 enfants de 4 à 15 ans, et 206 lamas et alpagas, essentiellement des lamas. Et là, les archéologues pensent, pour faire justement ce que raconte Nicolas Gopfert, que c'est un sacrifice qui a eu lieu en une seule fois. C'est vraiment un sacrifice de masse qui a dû se passer entre 1400 et 1450. Et donc, comme je le disais dans l'introduction, un sacrifice avec un rituel très précis qui peut paraître effectivement assez brutal et assez violent à nos yeux d'occidentaux. Oui, parce qu'effectivement, on leur arrachait le cœur. Et on le sait parce qu'on retrouve des traces sur leur sternum, les côtes brisées. Et donc, voilà. Et que c'est exactement de cette façon-là que toujours aujourd'hui, certains peuples andins arrachent toujours le cœur des lamas pour des sacrifices. Où ils mettent la main et l'avant-bras dans le thorax de l'animal pour arracher le cœur. Et c'est une pratique sacrificielle qui est partagée dans toutes les Andes. C'est pas du tout un trait spécifique au Chimú. Hein, on l'a retrouvé dans différents types de civilisations précolombiennes. Chez les Mayas, les Aztèques, les Incas. C'est quelque chose qui est très partagé. Et alors, quelles sont les caractéristiques des restes d'enfants, notamment, puisque c'est ce qui va nous intéresser essentiellement, que l'on trouve sur ce site. Et le rapport avec les lamas est intéressant quand même. Voilà, on va étudier les deux. Racontez-nous tout. Voilà. Donc, les enfants. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient entre 4 et 15 ans. Il y a à peu près autant de filles que de garçons, donc il n'y avait pas une sélection par le sexe, en tout cas. Les analyses qu'on a faites sur leur alimentation semblent montrer que ils venaient de à peu près tous les coins de l'Empire Chimú. Voilà. Ce qui laisse supposer que ces enfants avaient été donnés aux autorités centrales ou que c'était un tribut à payer. En tout cas, c'était pas juste les enfants du coin. Alors que les animaux, eux, venaient du coin. Ça, on le sait, en faisant le même type d'analyse, même si il n'appartenait pas à un seul troupeau, et donc il n'y avait probablement pas un élevage spécialisé pour ce type de sacrifice. Mais les animaux étaient des animaux jeunes aussi, par ailleurs. Absolument, à peu près un an. On sait que certains avaient des parasites mortels, donc on ne sait pas s'ils sont. Si les Chimous en ont profité pour se débarrasser de leurs animaux malades ou s'ils ne l'avaient pas vu que les animaux étaient malades. Mais ils étaient tous soit bruns, soit beiges. Voilà. Il n'y avait pas de lama gris, noir ou blanc. Donc la couleur était certainement un critère de sélection. Et sur les parasites, ce qui est intéressant, c'est qu'on a longtemps cru, les anthropologues ont longtemps cru que souvent les dons d'animaux, on sélectionnait dans le troupeau la plus belle bête. Vraisemblablement, Parce que c'est ce que se fait encore aujourd'hui. Voilà. Donc ça pose question sur ce qui se faisait à l'époque. Est-ce que c'était ça, mais qu'ils n'avaient pas vu que la bête était malade, ou est-ce qu'on profitait pour sacrifier les gens malades? Et voilà. Et sur ce site-là, non seulement les enfants et les animaux ont été sacrifiés en même temps, mais ils ont même été enterrés en même temps. Voilà. Dans certaines tombes, on trouve des enfants et des lamas imbriqués. Voilà. Et évidemment, ça pose la question de pourquoi. Voilà, pourquoi ça. Sacrifier ces enfants, ça peut nous paraître terrible. Bon, le sacrifice d'enfants, on en a retrouvé des traces à peu près sur toute la planète. Hein. Donc voilà, plus près de chez nous. Pas en Amérique du Sud. Absolument pas. En Asie, en Chine et plus près de chez nous, chez les Gaulois, chez les Cananéens. Donc voilà. Et comme disait Cicéron, pourquoi faire ? Eh bien, pour apaiser les dieux. Enfin, les sacrifices humains en général étaient faits pour apaiser les dieux, et les sacrifices d'enfants d'autant plus. Voilà, et c'est donc et c'est une pratique qu'on a retrouvée aussi chez d'autres, chez les Incas, chez les Mayas, comme je parlais tout à l'heure. Il y a d'autres traces de sacrifices d'enfants, même si on n'a pas trace d'un sacrifice aussi important jusqu'à présent. Et alors du coup, quels sont les indices dont on dispose pour cette tribu des Tchimou et pourquoi finalement ça a intéressé à ce point-là? Parce qu'effectivement, il y a d'un seul coup énormément de traces fossiles, de squelettes à étudier, et donc j'imagine plus d'indices. Voilà, je pense que... Parce que c'est intéressant sur la culture chimo, évidemment. Et puis, je pense que le sacrifice d'enfants fait poser des questions à tout le monde, même à ceux qui ne s'intéressent pas spécialement à l'archéologie préhispanique, voilà, mais précolombienne. Mais voilà, pourquoi faire tout ça? Et donc là, si on compare les deux sites, comme nous le raconte Nicolas Gubfert, on peut se dire que, comme les Incas notamment, sur le premier, il y avait des sacrifices d'enfants de façon assez cyclique. Quelle était l'origine? On ne sait pas, mais c'était cyclique et ça devait être lié à leur pratique religieuse. Ce sacrifice de masse-là devait répondre à autre chose. Et l'hypothèse, c'est qu'elle est liée à un épisode El Niño. Voilà. Donc, alors, rappelez-nous ce que c'est que le Niño, évidemment, on y retourne. Voilà, c'est un phénomène climatique, voilà, où on voit, comme vous savez, une augmentation de la température de l'eau, une perturbation des alizés, et ça la provoque, en tout cas au Pérou, toujours aujourd'hui d'ailleurs, des précipitations terribles, voilà, et des glissements de terrain. Et on peut imaginer que chez ce peuple qui mettait tellement d'efforts et tellement d'énergie à cultiver leurs champs avec tous leurs canaux de façon sophistiquée, c'était effectivement terrifiant et voilà, et puis ils devaient tous mourir de faim. Donc un tel épisode peut-être particulièrement fort avait nécessité un sacrifice particulièrement fort. Et quels sont les indices qui plaident pour notamment ça? Notamment parce que sur le site, comme sur un autre site d'ailleurs, on avait montré la même chose à notre époque, on retrouve une très très épaisse couche de boue qui semble vraiment liée à un phénomène El Niño, et on retrouve d'ailleurs, ce qui peut être assez émouvant, des empreintes de pas de ses enfants dans la couche de boue. Ouais, pour vous mettre de bonne humeur pour le week-end, les petites histoires sympathiques d'archéologie de Cécile Lessienne. Non, mais c'est intéressant de voir comment, en fait, selon ces indices, on permet vraiment de reconstituer une histoire. Tout ça, ce sont évidemment des hypothèses, mais on arrive tout de même, d'un seul coup, à incarner un peu cette espèce de drame précolombien. Oui, puis les fouilles ne sont pas terminées. Il y aura peut-être encore d'autres indices et... Je vous raconterai. On suivra ça. Une réaction à cette petite histoire un peu cruelle de sacrifice humain, Marion Sabourdi. je réagis en fait. Dernière chose qu'a dit Cécile sur l'empreinte, notamment, ça me fait penser aux empreintes de pas dans l'argile des grottes en France, comme dans la grotte de Niot, je crois, de mémoire, qui permettent des fois d'avoir comme une sorte de photographie du moment. Et voilà, c'est d'autant plus, dans un cas comme ça, d'autant plus émouvant. Mathieu Lefrançois, un mot sur les sacrifices rituels dont vous êtes coutumier. Oui, c'est évidemment difficile de rebondir là-dessus. C'est ça, Cécile nous a un peu tous séchés, mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis au début d'émission, puisque après on va parler de choses plus festives, pas du tout plus festives, ça va être un vendredi compliqué cette semaine. Non, mais ça a été évoqué, effectivement, des sacrifices, on en retrouve dans beaucoup de civilisations. Moi je pense notamment aux Aztèques, voilà, qui pratiquaient à peu près le même genre de sacrifice. C'est intéressant, je veux pas dire amusant, mais c'est intéressant de voir que les deux sont aussi liés au cœur. Enfin, y a vraiment quelque chose de derrière la notion du cœur. Il y a certainement une symbolique derrière. Et chez les Aztèques, c'était typiquement parce qu'ils avaient peur. Voilà, c'était pour plaire aux dieux, parce qu'ils avaient peur de ce qui pouvait arriver, que la fin du monde ne survienne s'ils ne sacrifiaient pas suffisamment de leurs congénères. Mais j'espère que ça ne va pas revenir à la mode avec les collapsologues. Mais voyons, arrêtez de raconter n'importe quoi. Allez, après le cœur, on va s'intéresser au cerveau. Vous écoutez La Méthode Scientifique, il est 16h33, nous parlons aujourd'hui bien de différents sujets, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, et après un sujet qui nous a mis en entrain, compté brillamment par Cécile Lestienne, de sacrifice d'enfants. Nous allons revenir à des choses un peu différentes, disons, après le cœur, je le disais, le cerveau, puisque nous allons parler maintenant de troubles psychiatriques et précisément de schizophrénie, puisque le titre que vous venez d'entendre c'était Schizophrénie de Sonic Youth, que vous aurez peut-être reconnu. La schizophrénie qui est un trouble psychiatrique qui touche jusqu'à 1% de la population mondiale, qui se révèle en général à l'adolescence, mais qui a surtout de nombreuses formes cliniques très différentes, à tel point qu'il est difficile, même après plus d'un siècle de travaux sur le sujet, d'établir un tableau clinique clair, également un tableau de diagnostic précis. Or, Marion, puisque c'est vous qui allez nous parler de cela, aujourd'hui, des travaux récents pourraient permettre d'affiner ces différents tableaux, qu'ils soient cliniques ou diagnostiques, grâce à des outils linguistiques. Oui, exactement, Nicolas. Donc, c'est une petite équipe de chercheurs d'INRIA, de l'Université de Lorraine, qui ont combiné des approches, donc à la fois en psychiatrie, mais aussi en linguistique, en sémantique et en sciences du numérique, pour en fait modéliser les incohérences du discours qui sont distinctives des personnes souffrant de schizophrénie. Et donc ces pas du tout. Peut-être avant de partir directement là-dessus, on peut peut-être faire un petit tableau, rappeler ce que c'est exactement, de quoi on parle quand on parle de schizophrénie, de quel type de trouble, comment ça se déclare, quel type de population ça touche, parce que effectivement c'est très très vaste et on a souvent du mal. Enfin, on est souvent parfois retenu par cette espèce d'image d'épinal complètement fausse de trouble de la personnalité ou de personnalité multiple. C'est pas du tout ça la schizophrénie aujourd'hui, Marion. Oui, exactement. Bah, effectivement, enfin, vous l'avez dit, Nicolas, les symptômes sont très variables. Alors, ceux qui sont les plus impressionnants, ceux qu'on appelle productifs, les délires, les hallucinations, c'est ceux sur lesquels souvent on s'attarde. Mais en fait, il y a pas mal d'autres symptômes. Par exemple, des symptômes qu'on dit négatifs, où le patient s'isole de sa famille, de ses amis. Et puis, des symptômes qu'on dit dissociatifs, qui recouvrent des désorganisations de la pensée ou des paroles, des émotions, des comportements en particulier. La recherche dont on va parler aujourd'hui s'intéresse à ceci, notamment à la parole justement. Mais c'est une pathologie qui est assez difficile à diagnostiquer. Il y a souvent beaucoup de retard thérapeutique, et donc cette approche, elle essaye de s'intéresser en fait aux prémices. Vous parliez de l'adolescence notamment, où ce trouble commence à se révéler souvent. Donc on s'intéresse à cette période-là. Alors justement, parlez-nous un peu, puisque c'est vrai que les schizophrénies se révèlent souvent à l'adolescence, qu'elles peuvent être liées. Là aussi, il faut faire un peu attention, parce qu'on a parfois voulu lier la schizophrénie ou l'apparition des schizophrénies à l'usage de drogues psychoactives et notamment au cannabis. Or, on sait à peu près aujourd'hui que le cannabis peut révéler une schizophrénie, mais qu'elle ne la crée pas, que ça met des adolescents dans des situations très précaires, très fragiles psychologiquement. Un patient sur deux fait au moins une tentative de suicide dans sa vie lorsqu'il est diagnostiqué schizophrène ou même avant de l'être diagnostiqué. Alors, pourquoi s'intéresser au langage, Marion ? Alors, en l'occurrence, c'est une approche qui est quand même assez originale. Hein. Bien sûr, il y a d'autres approches qui sont liées, enfin, qui mettent en jeu, par exemple, de l'imagerie, de l'IRM, entre autres. Mais là, pour l'intérêt du langage, c'est justement qu'on n'utilise pas autant de machines, finalement. En tout cas, on ne demande pas aux patients de suivre tout un protocole un peu lourd. Là, on s'intéresse à un dialogue, à une discussion entre le patient et un psychiatre. Et donc, cette approche, j'ai pu en discuter avec un des chercheurs, un Maxime Amblard, qui lui a une approche, finalement, on pourrait appeler ça un peu low cost, hein, centrée sur la logique. Et il met en jeu, on va dire, des outils informatiques, mais des outils très simples et non des outils, par exemple, de machine learning ou d'intelligence artificielle. Alors, racontez-nous justement un peu d'où est né ce projet et en quoi il consiste précisément. Alors, il est né de recherches, justement, du chercheur que je citais, Maxime Amblard, qui est maître de conférences en informatique à l'Université de Lorraine et chercheur en traitement automatique des langues au Lauréat. À INRIA Nancy. Donc c'est quelqu'un qui s'est intéressé il y a une dizaine d'années à ce traitement des langues, ce traitement informatique des langues, et il s'est dit que le travail autour de certaines pathologies, dont la schizophrénie, en tout cas l'utilisation de ce traitement des langues, pouvait être utile pour repérer des signes chez des personnes atteintes, voire même des signes précurseurs qui permettraient de dépister ces personnes. Et donc cet intérêt, il a travaillé dessus et il a obtenu très récemment un petit peu de moyens via l'INRIA. Donc il a pu lancer avec ses collègues un projet qui s'appelle ODIM, autour de ces outils, ODIM pour outils informatisés d'aide au diagnostic des maladies mentales. Donc on en est vraiment, c'est parti de recherche un peu d'une dizaine d'années de ce chercheur et de ses collègues, et on arrive maintenant à un programme d'action exploratoire d'INRIA. Donc c'est INRIA, ce genre de programme qui soutient des projets sur des développements risqués, sur des sujets chauds. Donc là, il soutient ce projet de recherche très interdisciplinaire. Donc je parlais de psychiatrie, linguistique, sciences du numérique. Voilà, je ne sais pas si j'avance un peu plus. Si, allez-y, bien sûr, justement, mais expliquez-nous qu'est-ce qu'ils recherchent justement dans le programme, c'est-à-dire quels sont les types de dysfonctions du langage qui sont recherchées, à quel endroit ils s'intéressent, quel est le protocole finalement de cette étude, Marion ? Alors, cette étude, elle consiste d'abord à collecter des données pour pouvoir travailler dessus, donc une constitution d'un corpus d'entretien psychiatrique, donc plus d'une centaine, 150, auprès de patients qui sont diagnostiqués, donc on sait qu'ils souffrent de schizophrénie. Et donc, une fois qu'on a constitué ce corpus sur la langue, sur le discours de ces personnes, on l'analyse donc avec un outil. Donc, en clair, en gros, on veut repérer ce que les chercheurs appellent les accidents de langue qui sont signifiants dans ce discours. C'est quoi, par exemple, justement? Voilà, un exemple. Excusez-moi, je reste un peu. Allez-y. Non, il faut expliquer à nos auditrices et nos auditeurs que, voilà, vous êtes un peu loin, donc on se voit pas, alors que d'habitude, moi, on se parle avec les mains, on se fait des signes, etc. Donc, allez-y, Marion, expliquez-nous. Je vous laisse continuer, je vais me taire un peu. Voilà, alors, ces accidents de langue, justement. Donc, par exemple, dans un dialogue normal, quand on parle, vous et moi, Nicolas, justement, on fait des erreurs, on respecte parfois mal la syntaxe, on prononce mal les choses. Mais ces phénomènes, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a des capacités de mémoire, des aptitudes particulières. Et chez les patients, il y a quelque chose de défaillant là-dedans. Donc, Maxime Amblard, que j'ai pu interviewer, m'a expliqué, par exemple, quand on fait une première proposition, quand on parle, et quand on arrive à une deuxième proposition, en général, elles sont cohérentes entre elles. Mais chez les patients qui souffrent de schizophrénie, parfois, ils ont une troisième proposition qui, elle, s'articule parfois avec la deuxième, mais plus du tout avec la première. Donc, un exemple concret, une patiente qui disait « Je ne sais pas quand mes enfants doivent revenir, c'est flou dans ma mémoire. » Et puis, deux ou trois tours de parole plus tard, elle dit « C'est pas flou dans ma mémoire, c'est flou parce que j'ai pas mes lunettes. » Et elle continue comme ça avec une autre interprétation. Alors, souvent, dans un dialogue entre deux personnes qui n'ont pas de pathologie, l'ambiguïté, ça pourrait être, elle pourrait être utilisée pour faire de l'humour, notamment. Il y a un glissement qui est évident et intentionnel. Là, dans ce cas, ce glissement, il n'est pas intentionnel, il fait pas de sens, en tout cas, pour le locuteur qui le reçoit. Mmh. Alors, bon, c'est un exemple simpliste, mais le glissement, il peut être lexical, sémantique, phonologique, c'est assez, assez précis. Non, c'est un exemple très, très parlant et justement qui permet de comprendre. En fait, du coup, c'est ce qu'on appelle des discontinuités symptomatiques. Elles peuvent se présenter même de manière très légère. C'est-à-dire que l'outil qui est en train de mettre justement cette équipe de recherche au point permettrait de détecter des micro-changements presque insensibles très tôt, finalement, dès le début, dès l'adolescence? Oui, alors l'idée, on en est vraiment au tout début, mais c'est que ce travail sur ce corpus de discours, ça permettrait de repérer comme ça, effectivement, ces glissements. Mais notamment, ça permettra en fait de créer un logiciel qui serait utilisable par des non-experts en linguistique, parce que là, dit comme ça, c'est pas évident, mais un logiciel qui serait utilisable par les psychiatres, notamment, pour qu'ils puissent repérer très finement, grâce à cette analyse de discours, qui pourrait repérer ces passages d'intérêt et qui pourrait l'aider à distinguer des signes annonciateurs. Alors, c'est pas, il faut travailler avec des psychiatres, hein. C'est pas quelque chose qui permet de faire du diagnostic automatique, hein. Maxime Amblard l'a bien précisé. Mm-hmm. C'est uniquement pour aider, pour supporter les personnes qui posent ce diagnostic. Donc, on va dire, on peut pas utiliser ce logiciel comme ça, dans la rue, avec n'importe qui. Voilà. Et alors, quelle est la suite, justement, pour les travaux de Maxime Amblard? Là, donc, on en est aux phases préliminaires du développement. Ce développement, il va durer combien de temps? Est-ce qu'il compte recruter, justement, d'autres patients? Est-ce que vous avez une idée, un peu, justement, des étapes à venir? Oui, alors, ce projet ODIM, les résultats permettent de travailler sur 36 mois, si je me souviens bien. Et de recruter un ingénieur, des doctorants qui vont pouvoir travailler sur cette analyse de données, sur ce logiciel. On est en plein dedans, hein, si je puis dire, et pour pouvoir créer ce logiciel dans quelques mois. Mais en parallèle, il y a un autre projet qui est également, qui va débuter en octobre, lui, pour le coup, dans lequel Maxime Amblard est impliqué. C'est un projet qui s'appelle Mephesto, qui est une collaboration entre INRIA et le Centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle, et qui va permettre également donc d'utiliser les recherches de Maxime Amblard et de ses collègues autour du discours, de la parole, mais aussi des outils vidéo et un travail également autour du machine learning, pour lequel les Allemands sont un peu plus avancés, pour étudier justement très très très tôt, on va dire, ce basculement dans la pathologie grâce au discours, grâce à un travail avec des patients. C'est tout ça est effectivement assez passionnant. Cécile Lessienne, peut-être une réponse, puisque outre pour la science, vous êtes aussi directrice de la publication de Cerveau et Psycho. Et effectivement, la schizophrénie, c'est vraiment un trouble complexe, difficile à appréhender, difficile à traiter, difficile à diagnostiquer. C'est vraiment très difficile, la schizophrénie, en règle générale. Absolument. Donc toutes les avancées, toutes les pistes de recherche sont les bienvenues concernant cette pathologie, effectivement très protéiforme et donc difficile à diagnostiquer, mais qui concerne beaucoup de monde. Hein. On estime quand même qu'il y a 1% de la population qui est touchée. Ça fait à peu près 600 000 personnes en France. Donc, il y a de quoi se mobiliser. Marion Sabourdi, un mot de conclusion sur, bien sûr, ce travail, cette recherche ODIM. Oui, alors la conclusion, enfin, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, cette approche qui est fondée sur la logique, c'est une approche plutôt historique, qui est un peu tombée en désuétude, comme me disait le chercheur Maxime Ambler, mais qui est assez, enfin, fortement intéressante, quoi, pour travailler sur ce sujet, et qui se démarque un petit peu de tout le travail en intelligence artificielle, en machine learning. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait encore cette approche. Il travaille aussi avec des philosophes. C'est ça qui m'a fait prêter attention à cette étude en particulier. Merci beaucoup Marion. On vous retrouve tout à l'heure pour un petit tour de table de fin d'émission sur les actualités scientifiques qui resteraient, selon vous, à surveiller. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Allez, sortez un carnet de notes, des feutres de couleurs, rappelez à votre mémoire tout ce que vous avez pu apprendre à propos de la mécanique quantique. Nous allons plonger dans un paradoxe complexe, mais tout à fait passionnant, le paradoxe de l'ami de Wigner, proposé dans les années 60 par le prix Nobel de physique Eugène Wigner, donc une expérience de pensée au cours de laquelle deux observateurs aboutissent à des conclusions différentes sur l'état d'un système quantique. C'est donc le docteur Mathieu Samuel Beckett Lefrançois qui va nous raconter tout ça. Qu'est-ce que c'est donc que ce paradoxe de l'ami de Wigner, Mathieu? Alors, pour bien comprendre ce paradoxe, en fait, il faut revenir au fondement de la mécanique quantique. Et notamment ce qui caractérise la mécanique quantique, c'est-à-dire un système quantique est caractérisé par une superposition d'états. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un photon, je vais garder le photon comme exemple tout au long de l'explication, ce sera plus simple. Voilà, disons qu'un photon peut avoir, classiquement, quand on le mesure, deux valeurs, 0, 1. Mais tant qu'on ne l'a pas mesuré, la mécanique quantique nous dit qu'il est dans une superposition d'états, entre 0 et 1, suivant différentes proportions. Et c'est lors qu'on mesure, effectivement, l'état du photon, que l'observateur brise cette superposition et qu'on mesure soit la valeur 0, soit la valeur 1. C'est la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Qui peut être mort et vivant à la fois avant qu'on ouvre la boîte, et une fois qu'on ouvre la boîte, on sait s'il est mort ou s'il est vivant. Exactement. Très bien, jusque-là ça va. Voilà, et en 1961, donc Wigner se pose la question, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si on commence à observer l'observateur? Donc c'est ce qu'il appelle le paradoxe de son ami. Donc son ami en fait prend la place de Schrödinger, fait une mesure dans un labo, dans un laboratoire scellé. Donc son ami sait parfaitement en fait l'état du photon. Est-ce que c'est 0 ou 1? Wigner lui en fait est à l'extérieur du laboratoire. Il est capable de décrire quantiquement tout ce qui se passe à l'intérieur du laboratoire. Mais simplement, selon le principe de la mécanique quantique, tant que Wigner lui-même n'effectue pas de mesure, il ne sait pas si le photon est 0 ou 1. Donc, c'est-à-dire qu'on a disons, pendant un certain temps, en fait, l'ami connaît le photon et Wigner ne le connaît pas. Et ça, c'est un paradoxe. Et ça, c'est un paradoxe, parce que Wigner n'aime pas du tout ça, parce que voilà, en gros, ça revient à dire que on peut avoir sur un même événement différentes perceptions du réel, en fait. Perceptions du réel. Exactement. C'est-à-dire que si on transfère ça en physique quantique, il y a eu effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire qu'on a tranché entre la position et l'énergie. On sait maintenant si le photon est à 0 ou 1, mais pendant que l'ami de Wigner le sait pas, en fait, normalement, le chat de Schrödinger est encore vivant ou mort. Exactement, d'où la question. C'est hyper clair, Cécile. Absolument. Merci beaucoup. D'où la question, quand se produit cet effondrement de la fonction onde? Est-ce que c'est quand l'ami de Wigner effectue sa mesure, ou est-ce que c'est quand Wigner effectue sa propre mesure à lui-même? Donc voilà, là on est en 1961. Le paradoxe est un peu mis de côté parce que on considère que des observateurs macroscopiques, c'est pas trop du ressort de la mécanique quantique. Voilà, on met un peu ça sous le tapis, on referme et ça va rester un peu comme ça jusqu'à quelques années, en fait, à partir de 2016 et puis les années qui ont suivi. Parce qu'il y a eu, du coup, des expériences qui ont été mises en place pour tâcher, justement, d'incarner, de reproduire, dans un cadre expérimental, ce paradoxe de l'ami de Wigner, Mathieu. Exactement. Et dans une version étendue, avec une deuxième bizarrerie, en fait, de la mécanique quantique, qui est l'intrication. Absolument. Voilà. Donc on rajoute un peu de complexité à l'affaire, il n'y en avait pas suffisamment. On va y aller doucement, mais on avance. Donc l'intrication, pour rappeler ce que c'est le phénomène étonnant selon lequel, si je prends deux photons, je peux avoir ces deux photons interconnectés de telle sorte que si je mesure l'état de l'un, je vais connaître parfaitement l'état de l'autre, peu importe la distance. C'est-à-dire je peux les envoyer à l'autre bout de l'univers, je saurai instantanément quel est l'état des deux photons en faisant juste la mesure de l'un des deux. Einstein évidemment détestait ça parce que ça contrevenait à la relativité générale puisque aucune information ne peut aller normalement plus vite que la vitesse relativiste, la vitesse de la lumière. Or si avec cette histoire d'intrication, eh bien il y a une instantanéité de la communication de l'information. Voilà, et donc c'est le paradoxe EPR sur cette problématique de l'action à distance qu'on n'explique pas trop. Et dans les années 60, le physicien Bell, en fait, s'attaque un peu au problème et va définir, va faire des hypothèses, en fait, trois types d'hypothèses, c'est-à-dire qu'effectivement, une théorie physique locale, donc dans laquelle on n'a pas d'action à distance, causale, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'un événement soit la cause d'une autre, il faut qu'il se place avant. Et pas après lui, et puis déterministe, c'est-à-dire que, comme le pensait aussi un peu à un moment Einstein, qu'on a peut-être, voilà, dans une théorie des variables cachées qui font qu'on a l'impression que cette intrication est un peu magique, entre guillemets, par automatique, le terme, voilà qu'en fait, en réalité, il y a des variables cachées qui permettent d'expliquer tout ça. À partir de ces hypothèses, donc il a construit ce qu'on appelle les inégalités de Bell, que doit satisfaire toute théorie physique qui respecte ces hypothèses. Et donc ça, on est en 64. Voilà. Évidemment, on a voulu tester ces inégalités de Bell. On les a testées, on continue, on les teste de plus en plus. Et la mécanique quantique viole ces inégalités de Bell. C'est les travaux d'Alain Spey. Que nous avions reçu. On vient de remettre le lien vers l'émission sur le fil Twitter @lamedelfc de façon quasiment intriquée. Voilà. Presque automatique. Cécile Lessienne, on suit toujours, on est bien là jusqu'à présent. Absolument. Alors, Mathieu, arrivons-en justement à, cette expérimentation pour tester ce fameux paradoxe de l'ami de Wigner. Comment est-ce qu'on procède? Allez, dépêchez-vous parce que le temps. Voilà. Et ben, mélangeons les deux. C'est-à-dire qu'on prend, deux observateurs, donc deux amis de Wigner, qu'on va appeler Charles et Debbie. On leur donne à chacun, en fait, un photon intriqué. On les met chacun dans un labo. Distants, comme ils peuvent pas communiquer, ils peuvent pas échanger d'informations. Et chacun de ces observateurs est dans ses labos, est observé par un super observateur. Alice va observer Charles et Bob va observer Debbie. A, B, C, D. Hein. C'est les opérateurs classiques de la mécanique quantique. Donc Charles et Debbie, eux, dans leur labo, font comme d'habitude, ils mesurent, ils ont le résultat, pas de souci. Alice et Bob, les super observateurs, à l'extérieur du labo, eux ont deux possibilités. Soit ils choisissent en fait de tout simplement ouvrir la porte du labo et demander alors quel est le résultat de la mesure, auquel cas là, pas trop de soucis, hein, les deux résultats vont forcément concorder. Ou bien ils ont la capacité d'effacer un peu la mesure qui a été faite et de faire leur propre mesure. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire à partir du moment où ils font leur propre mesure, est-ce que elle va être systématiquement la même que celle qui est effectuée à l'intérieur du laboratoire. Là, on commence à grimper un peu en niveau. Allez, on continue, voilà. Mathieu. Là, c'est parce qu'ensuite, ils vont jouer au dé. Vous allez voir, ça devient encore pire. Les dés, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les super observateurs tirent au dé en disant est-ce que j'ouvre la porte ou est-ce que je me fiche un peu de ce qui se passe et je fais ma propre tambouille à l'extérieur du laboratoire. Donc là, on en arrive... Voilà, 2016, 2017, 2018, on affine un peu ce nouveau paradoxe de Wigner étendu, et on en arrive donc à cette publication dans Nature Physics cet été d'un groupe de chercheurs qui fait de nouvelles hypothèses qu'on range sous le terme générique de d'amicabilité locale. En gros, cette hypothèse, c'est quoi? C'est de dire, il n'y a pas de super déterminisme. C'est-à-dire, mes super observateurs, Alice et Bob, à l'extérieur, il n'y a pas une petite voix qui leur dit, vous lancez le dé, ça fera 1, ça fera 2, ça fera 3. Ils sont libres de leur choix. de choisir d'ouvrir la porte ou pas. On garde l'idée que c'est une théorie locale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystérieuse action à distance. Avec des paramètres qui nous échapperaient. Avec des paramètres. Et on considère que les faits sont indépendants de l'observateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une mesure qui est faite, la fonction d'onde s'effondre et point barre. Les résultats des mesures sont conditionnés à partir de ce moment-là. Et ils en arrivent en fait à, je dirais, un peu des inégalités qui sont les héritières un peu des inégalités de Bell, mais qui sont en quelque sorte plus contraignantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont monté l'expérience ensuite, ils se sont rendus compte que dans... Alors, la mécanique quantique dans les expériences viole systématiquement l'inégalité de Bell, mais pas systématiquement leurs nouvelles inégalités. Donc voilà, donc ils arrivent en fait à un jeu de contraintes beaucoup plus fortes. Et conclusion. Mais, voilà, conclusion, ils se rendent compte que s'il y a suffisamment d'intrications, c'est systématiquement violé. Et donc si c'est violé, il faut rejeter pour eux une des hypothèses de départ. Et ils en viennent à la conclusion que effectivement, il faut commencer à rejeter l'objectivité des faits et que les faits sont relatifs à l'observateur, vont dépendre de l'observateur. Et donc il n'y aura pas d'objectivité du tout des faits. Voilà. Et c'est là peut-être où le pas il est peut-être un petit peu rapide. Voilà. Peut-être un petit peu rapide, mais on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Est-ce que c'est le moment où je vous pose la question de savoir s'il y a un dossier là-dessus illustré dans Science Avenue Junior ou pas, Mathieu? Pas tout de suite, peut-être. Pas tout de suite. Peut-être un hors-série. Peut-être un hors-série. Un dernier mot, peut-être un dernier tour de table rapide. Une réaction rapide, Cécile, la non-objectivité de la mesure de l'effondrement de la fonction d'onde. Et puis moi, ça me fait rêver. Mais oui, c'est passionnant. Où est la réalité? C'est absolument passionnant et on n'est même pas dans un film de Christopher Nolan. Donc Mathieu. Oui, juste pour finir, parce que le point fondamental là-dedans et celui qui n'est absolument pas résolu, c'est d'arriver à comprendre cette mécanique quantique. Et effectivement, il y a beaucoup de théories qui commencent à revoir l'interprétation, à essayer de modifier pour savoir comment est-ce qu'on passe du quantique au classique. La vraie question intéressante, la vraie problématique derrière, c'est celle-ci. Et on va consacrer une émission très prochainement justement à cette question de l'effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, à une échelle, c'est la mécanique quantique qui s'applique et dès qu'on augmente en échelle, on passe à la relativité générale. À quel moment se fait cette question que vous posez, que vient de poser le... Et avec quelle dynamique. Et avec quelle dynamique se passe c'est l'effondrement de la fonction d'onde. C'est passionnant, c'est effectivement un peu un casse-tête, mais c'est vraiment passionnant. Allez, un dernier mot très rapide. Marion, vous aviez vu une actualité scientifique que vous vouliez évoquer, dont on n'aurait pas parlé? Oui, alors une actualité très, très locale, hein, très grenobloise, mais qui peut vous intéresser aussi, c'est le lancement du premier nanosatellite du Centre Spatial Universitaire de Grenoble. Donc un petit satellite de la taille d'une brique de lait qui a été créé en partie par des étudiants et qui est dans l'espace depuis le 3 septembre dernier et qui étudie la météo de l'espace. Donc c'est une discipline qui s'intéresse à l'activité solaire et donc il va étudier notamment les particules des aurores boréales et australes. On vient de mettre le lien là aussi sur le fil Twitter de l'émission. Un mot sur la une de Pour la Science, Cécile. Quand la spintronique s'inspire du cerveau, dans notre numéro de septembre. En une de Science et Vie, Mathieu. 10 mystères du monde animal. Science et Vie Junior, pardon. Science et Vie Junior. 10 mystères du monde animal. Pourquoi les chats sont-ils si mignons? Eh bien, merci beaucoup. Et puis, Mathieu, on a aussi un mot à dire sur un livre qui s'appelle L'Espace, auquel nous avons travaillé tous les deux, qui devrait arriver au mois de novembre, mais on en reparlera plus tard. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été là. Cécile Lestienne, Marion Sabourdi, Mathieu Lefrançois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, Mina Guetzin-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique dans le laboratoire de La Méthode Scientifique. Pour la semaine prochaine, voici ce que nous avons concocté. Lundi, nous parlerons des néonicotinoïdes. Pourquoi sont-ils vraiment si mauvais et de retour? Mardi, la genèse de l'univers et la formation des premières galaxies. Mercredi, nous parlerons des ondes terahertz. Sont-ce les ondes du futur? Jeudi, nous parlerons science et néolibéralisme. Le monde scientifique s'est-il vendu au privé? Et vendredi, ce sera un vendredi fiction pour le centenaire de sa naissance et la très prochaine adaptation du cycle Fondation en série. Isaac Asimov est-il le père de la science-fiction moderne? Demain, vous retrouverez Étienne Klein dans la conversation scientifique à 16h avec cette question: qu'est-ce que le sentiment de vide? Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.